La colère, l'envie, la luxure, et puis cette gourmandise, la paresse, l'orgueil, et puis l'avarice. Il est midi, je me lève, j'ai la laine de ma brosse à dents. Mon humour noir vient lever le drapeau blanc. J'aime trop les excès, face à l'alcool j'ai plus de bravoure. Faites l'amour, pas la guerre, je dois faire la guerre pour faire l'amour. Pourquoi cette gourmandise, cette luxure? Je veux une pyramide à Luxor, tout ravoir avant l'usure. Le temps c'est de l'argent, ma Rolex vaut de l'or. Le temps d'une journée, mes erreurs seront la faute de l'homme, mon orgueil. Mais pourquoi elle vous dérange, alors qu'au fond, dire de moi la perfection vous démange. Intelligent, à la bibliothèque pendant de belles plombes. De genre fils à papa, qui a le tic de la mèche blonde. Mon avarice, que tout soit à moi. Tu veux du donnant, donnant, mais c'est comme décevoir un moine. C'est mon précieux. Et je suis pressé de l'apprécier. Pour être plus précis, je m'en fous presque, c'est pour te faire chier. Colère contre la luxure, mes rêves sont différents. Envie de gourmandise, de hip-hop qu'on kiffe tant. Mon orgueil en paresse sous le chapiteau. Avec l'avarice, les 7 péchés capitaux. En colère contre la luxure, mes rêves sont différents. Envie de gourmandise, de hip-hop qu'on kiffe tant. Mon orgueil en paresse sous le chapiteau. Avec l'avarice, les 7 péchés capitaux. L'envie. Que tout roule mais pas sur ma chaise. Me lever de n'importe quel pied pour éviter le malaise. Savoir aimer aussi bien que de se faire l'amour. Mais j'ai bien vu qu'une pêche tombe plus vite qu'une pomme d'amour. Ma colère à la gorge elle m'attrape. Circulation ou politique, faut se méfier de la droite. Colère d'un collège en congé pour des papillons. Ignorant avec des poubelles faisant une tour de Babel. Une certaine paresse quand je vois que les potes sont au pôle emploi pendant que moi je traîne au poisson. Faire la sourde oreille dans leurs journaux écrits en braille. Paresse de raisonner un jeune qui finit en bat. Le temps d'une journée, aller supporter quelques secondes dans la peau d'un autre qui connaît cette merveille du monde. Secouez-moi que je retrouve cette mémoire. Je suis humble comme toi. Dans quelle mémoire? En colère contre la luxure, mes rêves sont différents. Envie de gourmandise, de hip-hop qu'on kiffe tant. Mon orgueil en paresse sous le chapiteau. Avec l'avarice, les 7 péchés capitaux. En colère contre la luxure, mes rêves sont différents. Envie de gourmandise, de hip-hop qu'on kiffe tant. Mon orgueil en paresse sous le chapiteau. Avec l'avarice, les 7 péchés capitaux. En colère contre la luxure, mes rêves sont différents. Envie de gourmandise, de hip-hop qu'on kiffe tant. Mon orgueil en paresse sous le chapiteau. Avec l'avarice, les 7 péchés capitaux. En colère contre la luxure, mes rêves sont différents. Envie de gourmandise, de hip-hop qu'on kiffe tant. Mon orgueil en paresse sous le chapiteau. Avec l'avarice, les 7 péchés capitaux.